Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Elisabeth Buffet. Salut Elisabeth, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va très bien, je te remercie. Eh bien merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ah ben écoute, c'est l'été, j'avais pas grand chose à faire. Tu vois, je suis sur ma terrasse, donc je suis bien. D'accord, alors je sais pas comment le prendre au final. Écoute, c'est pas grave, tu sais quoi, je prends. Pour des invités que je tenais à avoir dans le podcast, même s'ils me disent, écoute, t'as de la chance, finalement, je sais pas, moi, j'ai un projet. Je suis pas hyper sollicité, si tu veux, en ce moment. Voilà, c'est ça. Voilà, même si les gens me disent, écoute, t'es le seul moyen que j'ai de me rattacher à la, voilà, d'exister, de me rattacher à la vie, franchement, je prends, c'est pas grave. Donc, c'est un plaisir. Bah, c'est un beau rôle, pardon. Ah bah oui, c'est... Ah ben franchement, moi je suis ravi de t'avoir dans le podcast. Je suis un fan de la première heure, vraiment. J'ai découvert. Ça ne rajeunit pas. Ah ben alors j'ai pas dit quelle heure. Hein, attention, j'ai pas précisé l'heure. Non, mais ça fait quelques années maintenant qu'on découvre tes pérégrinations scéniques sur Rire et Chanson et puis à la télé régulièrement. Et moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était rafraîchissant, en fait, voilà, c'était quelque part les débuts. Pour moi, c'était un peu les débuts de la libération, vraiment, de l'humour féminin au final. Enfin, parce que quand je dis humour féminin, c'est pas la fameuse question. Pensez-vous qu'il existe un humour de femme, un humour de fille? Non, c'est pas du tout ça. Hein. Pensez-vous que les femmes sont drôles ou quoi? Non. C'est juste que là, t'avais un petit peu, comment dire, t'as un petit peu brisé des tabous qui n'avaient jamais été brisés, en fait, quoi. Donc, oui, parce que t'as quand même raison. Il y a eu une période où les femmes sur scène, je pense qu'elles elles se retenaient quand même, elles s'auto-censuraient quelque part. Et après, il y a eu Muriel Robin, il y a eu Foresti, et puis moi, j'étais un peu dans la foulée, et du coup, ça a ouvert pas mal de portes. Oui, mais c'est ça. T'as été une des premières, oui, à ouvrir la porte vraiment de l'humour libre. Et maintenant, oui, c'est sûr que l'humour est beaucoup plus libre qu'avant, et t'as fait partie des pionnières, donc c'est cool. Et justement, au cours de cette carrière dans laquelle tu t'es battu pour imposer ton style, qui aujourd'hui est vraiment accepté sans problème et tout, et tu as ton public maintenant, tu as eu donc une anecdote que tu voulais nous raconter dans le podcast. Oui, tout à fait. Je pense que ça remonte à une bonne grosse dizaine d'années. Donc je démarrais, mais enfin bon, voilà, je commençais à faire des petits trucs et tout. Et ma boîte de production m'a proposé de faire la première partie à l'Olympia, ce qui est donc un lieu mythique pour tout le monde, et notamment pour les humoristes, de faire la première partie d'un crooner américain qui s'appelle Paul Anka. Moi, j'aime beaucoup Paul Anka, il a fait plein de reprises aussi. Enfin, c'est vraiment le crooner, la Sinatra, comme ça, de cette époque-là, en plus, un peu vieux. Bon, maintenant, il avait les cheveux teints, d'ailleurs, c'était très joli. Et enfin, bref. Et donc, alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de mettre un humoriste en première partie de Paul Anka, mais apparemment, quand il vient en France, à Paris, voilà, il veut toujours un humoriste qui passe quoi, 20 minutes, une demi-heure avant son concert. Alors, moi, je me dis, bon, oui, ça peut être un peu casse-gueule. Les premières parties, déjà, à la base, c'est pas si évident. Les gens, ils attendent la vedette, quoi. Voilà. Donc, on essuie un peu les plates. Les gens sont en train de s'installer, tout ça. Et donc, je devais faire 4-5 sketchs. Donc, je commence. Alors, je ne sais plus si ça devait être l'épilation ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a une ou deux personnes qui commencent à faire « ouh » ou à huer, quoi. Ah ouais ? Ouais. Alors, bon, une, deux, je me dis, bon, les gens, ils attendent Paul Anka. Ah oui, parce qu'ils commençaient à dire, on veut Paul Anka. Mais c'est pas Paul Anka. Non, évidemment, je ne ressemble pas à Paul Anka. Et petit à petit, les huées ont commencé à monter, c'est-à-dire tout l'Olympia m'a hué. Alors moi, je parlais de plus en plus fort pour essayer de couvrir, pour essayer de continuer en m'accrochant. C'était raide, quoi, tu vois, de continuer comme ça, coûte que coûte, à faire mon sketch. Alors évidemment, tu sais, avec la fameuse blague, l'Olympia, tu vois, moi, je répondais de temps en temps, un truc bien nul. Tu vois, tu t'enfonces, en fait, tout seul. Ouais, de la survie, puis, quoi. Ouais, de la survie, exactement. Alors bon, je fais mon sketch, mon premier sketch. Il y avait un petit noir qui était prévu, donc il y a un noir qui se fait. Et là, je sens qu'on m'empoigne dans le noir sur scène et qu'on m'emmène dans les coulisses. Et en fait, c'était un technicien qui était venu me chercher pour abréger mes souffrances, comme les bêtes à l'abattoir. Et il m'entraîne, il me dit on va s'arrêter là, en fait, parce que ça ne le fait pas. Et du coup, je suis repartie. Mais j'ai pas compris. Le temps que je comprenne vraiment que ah bon, je continue pas, j'y retourne pas. J'étais sonnée, puis évidemment, j'ai pleuré comme un veau pendant une bonne demi-heure. Et puis après, je me suis dit, bon, bah oui, mais c'était tellement aberrant, je comprends. Moi, les gens, quand je vais au concert ou en spectacle, c'est vrai que moi, les premières parties, ça me saoule en général. Mais enfin, bon, je n'ai eu pas quand même. Patiemment, en baillant éventuellement. Mais, puis des fois, on a des bonnes surprises avec les premières parties quand même. Là, c'est vrai que ça a été très, très raide. Donc ça apprend. Alors en plus, le fait de faire l'Olympia, c'est-à-dire ce truc un peu mythique, tu dis, ah, c'est quand même magique comme soirée. Et puis de se prendre cette grosse baffe. C'est vrai que ça fait une impression assez forte. Ça fait partie vraiment de l'apprentissage. On se dit que, et d'une, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, à ce à quoi on dit oui ou ce qu'on dit non. Et puis aussi à endurer des soirs où effectivement ça se passe moins bien. Alors, pas à ce point-là, j'ai jamais reconnu à ce point-là des bides. Mais enfin, les bides font partie de l'apprentissage, effectivement. D'accord. Tu veux dire que tu n'as pas suivi Paul Anka sur sa tournée ? Non, mais il ne m'a même pas croisé dans les loges ni rien. Il ne m'a même pas dit bonjour. Ah, j'ai été très déçue, je n'ai plus acheté ses disques après. Rien que la phrase, ça fait vieille, tu sais, parce que plus personne n'achète de disques. J'ai plus acheté son 33 tours. Oui, c'est ça. Ah non, mais tu sais quoi, cette histoire, elle est vraiment... Enfin, malheureusement, oui, tu as souffert, ça c'est sûr, mais elle est magique au niveau de l'anecdote, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Déjà, j'ai l'impression que, vu que c'est Paul Anka qui demandait à avoir un humoriste en première partie, un ou une humoriste, je pense que ça vient de la culture américaine. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de premières parties qui sont faites par les humoristes. Donc déjà, ça, c'est une chose. Je comprends sa démarche. Par contre, le fait de même pas te dire bonjour et même pas te dire à la limite, je suis désolé, je pensais qu'ils allaient accrocher ou quoi, je ne sais pas, ou au moins te faire passer l'info par son équipe, je trouve que ce n'est pas très cool de sa part. Après, le fait que toi, tu aies été prévu pour une demi-heure, parce qu'une demi-heure, c'est quand même long en première partie. Oui, c'est long. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai toujours dit une première partie, normalement, le top du top, c'est 10-15 minutes. Oui, vraiment. Voilà. Voilà. 20 minutes, si vraiment on te donne du temps et tout. Mais au-delà, je trouve que c'est beaucoup quand même. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les gens ont été prévenus? Ça, j'ai pas su. Ouais, Su. En plus, c'est un public assez spécial pour Paul Anka, apparemment. Donc, du coup, je pense qu'il y avait un décalage d'univers de toute façon. Et je ne sais pas s'ils avaient été prévenus. Et auquel cas, effectivement, ça expliquerait aussi le fait que, merde, c'est une bonne femme qui vient nous raconter ces histoires. Ce n'est pas du tout les belles chansons de Paul Anka. Donc oui, je pense qu'il y a eu une grosse surprise, un choc. Et puis, des gens peut-être un peu pas très bien élevés, quoi. Ben ouais, c'est quand même pas cool. Surtout que, je veux dire, l'Olympia, justement, moi, j'aurais pensé que ça allait faire le tri un petit peu dans les gens. Si tu vas à l'Olympia pour voir un artiste, Paul Anka, je pense qu'il n'est pas à 10 euros l'entrée. Hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Donc normalement, j'aurais pensé à un certain standing de la part du public et tout. Comme quoi, l'argent et l'éducation ne sont pas liés. Ah, effectivement. On vient pas de régler tous les problèmes dans le monde, mais on vient de découvrir que l'argent ne faisait pas la politesse. Et ça, tu sais quoi? C'est peut-être même l'inverse, justement. C'est peut-être même des gens, justement, qui se permettaient de te prendre de haut parce qu'ils avaient payé peut-être 100 euros pour voir. Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas si on peut généraliser. Bon, alors, à tous les milliardaires qui nous écoutent, n'hésitez pas. Ça. On vous aime quand même. Parce que c'est jamais, tu vois. Vous bien sûr. Si jamais il y a un petit mariage. Voilà, s'il y a un petit mariage à caser ou quoi. Voilà. Tu vois, voilà. Gardons les portes. Alors, je crois mariage, ma femme. Oui. Oui, toi, t'es marié, toi. Voilà, moi, je vais parler doucement parce qu'il y a ma femme pas très loin. Non, mais je veux dire, c'est quand même dommage parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux ne pas apprécier une première partie, tu bailles, mais tu ne hues pas. C'est la base. Huer quelqu'un, mais il faut vraiment qu'il y ait une raison, quoi. Je sais pas, tu arrives sur scène, tu fais un sketch, mais même pas un sketch, en fait. Tu fais juste un passage pas drôle dans lequel tu balances des idées, je sais pas, moi, d'extrême droite, limite nazie. Là, je peux comprendre que les gens te huent. Et moi, le premier, je vais te huer. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, tu faisais ton travail. Les gens n'aiment pas ça. Ben, on ne leur demande pas de rigoler. On leur demande juste de respecter. C'est le mot respect qui n'a pas été présent. Là. C'est quand même grave. Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais, tu vois, éventuellement à faire un bide, c'est-à-dire avoir un silence, quoi. Pas de rire. Oui. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment comme si tout le monde te giflait en même temps. Quoi. C'est assez. Ah, bah. Donc, ça fait mal aux joues. Ah oui, bon, bonjour la gifle. T'as eu la joue rouge pendant combien de temps à peu près? Ah, ça m'a cuit au moins toute la soirée. Bah, j'ai dû aller boire pour oublier, je pense, après. Oh, là, là, là. Parce que quand même, j'avais fait l'Olympia. je prends le bon aussi, tu vois, du truc. Ah oui, non, mais totalement. Mais j'avoue que là, c'est quand même le rêve brisé un petit peu parce que tous les humoristes rêvent de l'Olympia. Non, par contre, parce que ce qui est bien, c'est que quelques années plus tard, j'ai pris ma revanche. J'ai fait mon Olympia. C'est ce que j'allais te demander. Avec une première partie. Polanka en première partie. ça aurait été le top du top. Je suis sûr que tu serais arrivé sur scène, t'aurais fait laissez-le chanter 30 secondes et huez-le ce bâtard. Non, et du coup, mon Olympia s'est formidablement bien passé. C'est vrai que du coup, voilà, j'ai pardonné à Paul. Ma grandeur d'âme, ma magnanimité. Ouais, bah oui. Évidemment, Polo, si tu nous écoutes, voilà. Kiss. T'as le pardon. Voilà, t'as le pardon d'Elisabeth Buffet. Bah oui, on est dans la résilience à fond. et donc, qui tu as pris en première partie ce soir-là? Béatrice Faquet. Ah, Béatrice Faquet, oui, je l'ai en ami sur Facebook. Ah oui, très très douée, très bonne comédienne. J'adore. Puis on a des univers. En plus, il y avait une cohérence, quoi. Voilà. Ouais. Bien sûr. Ben après, c'est quand même dommage parce que j'imagine que ton public l'a très bien accueilli et que c'est très bien passé pour elle. Voilà. Il y a plusieurs erreurs à ne pas commettre. Premièrement, prendre quelqu'un qui est complètement d'un univers différent. Bon, là, lui, c'est un chanteur, donc on s'en fichait complètement. C'est pas un humoriste, tu vois. Le problème, c'est si jamais, par exemple, quelqu'un qui fait de l'humour tout public, vraiment tout public, prend quelqu'un qui fait de l'humour beaucoup plus grinçant et qui ne lui dit pas « attention, mon public est familial ». Tu vois, là, ça peut créer des problèmes. Si jamais la personne vient et fait un passage vraiment très, très osé, alors que toute la salle est remplie d'enfants et de personnes… Oui, c'est vrai que c'est délicat une première partie. Il faut juste prévenir. Moi, tu vois, par exemple, moi, je fais de l'humour tout public. Quand j'ai des amis qui viennent faire la première partie ou même des gens que je ne connais pas, des humoristes, dès que j'ai n'importe quel humoriste qui vient faire ma première partie, à chaque fois, je le préviens, je lui dis « écoute, habituellement, mon public est très familial, donc si tu peux prendre un passage tout public, c'est parfait. » Et du coup, la personne prend un passage tout public et ça se passe très bien. Oui, sinon, tu vas au potrage. Une personne y est gagnant, quoi. Parce qu'après, toi, du coup, après la première partie, si ça s'est mal passé, il faut quand même récupérer un peu les gens. Ça peut mettre un peu le public de travers. Alors que l'idée, c'est de chauffer. Et voilà, bien sûr. Voilà. Toi, après, si jamais la personne en première partie s'est complètement plantée, tu vois, et à l'inverse aussi. À l'inverse. Par exemple, ceux qui font un exemple, carton, moi, puis tu passes derrière et tu rames. Là, c'est gênant. Oui. Là, c'est gênant. Ben ouais, ça arrive aussi. Hein. Là, c'est très gênant. Mais ce qui pourrait arriver aussi, je veux dire, à l'inverse d'un humoriste trop piquant qui fait la première partie d'un humoriste familial, il peut y avoir aussi l'inverse. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui fais de l'humour familial et tout, je peux très bien me retrouver en première partie de quelqu'un qui fait de l'humour tellement grinçant et trash que les gens ne vont pas accepter mon humour à moi. C'est totalement possible aussi. Ils vont les toucher, bien sûr, parce qu'ils attendent un type d'humour. L'humour, en plus, c'est ce qu'il y a de plus clivant au monde. On peut partager plein de goûts avec des gens, de musique, de cinéma, etc. Puis sur l'humour, c'est ce qui va partager le plus. On ne sait pas pourquoi on rigole à telle chose ou pas. C'est compliqué. Le rire est un réflexe. Alors, c'est compliqué d'analyser tout ça. Oui. Et puis, tu sais, après, comme tu disais, après, il faut les rattraper si jamais l'ambiance est plombée et tout. Moi, je ne connais pas bien le répertoire de Polanka, tu vois. Donc, du coup, c'est un petit peu plus dur pour moi de les rattraper derrière. Je ne peux pas trop leur chanter de chansons ou quoi. Voilà. Dommage, hein, mais bon. Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, ils s'attendaient à voir Polanka et ils t'ont vu toi. Si jamais la première partie n'a pas été annoncée, premièrement, c'est une erreur, déjà, de base. Tu sais, moi, ça me rappelle l'anecdote de Joséphine Dray. Joséphine Dray qui m'a raconté qu'elle avait fait la première partie des Chevaliers du Fiel. Et c'était même pire que ce qui était arrivé. Parce qu'en fait, à la base, on lui a dit une première partie. Finalement, on lui a dit « tu vas jouer une heure ». Ah bon ? Ah oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chevaliers du Fiel jouaient à Avignon. Et ça, c'était à Toulon, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. En tout cas, voilà. Ils devaient venir en hélicoptère. Tu vois ? Oui, c'est leur style, effectivement. Voilà. Donc, le temps qu'ils arrivent, fallait qu'elle meuble. Et donc, on lui a dit, finalement, tu ne vas faire que 20 ou 15 ou 20 minutes, tu vas faire une heure. Et donc, non seulement c'était ça, alors que c'est clairement, elle leur a dit, mon spectacle, il fait 1h05. Bah, du coup, je vais jouer le spectacle, quoi, je n'ai pas le choix. Et le problème, c'est que les gens n'ont pas été prévenus. Ça fait que personne ne l'a. C'est horrible. Je ne pense pas qu'elle a été annoncée. Et même si elle a été annoncée, elle n'a pas été annoncée comme faisant son spectacle entier. Du coup, les gens ont commencé à la huer, à réclamer les Chevaliers du Fiel. Mais et tout. Bah, oui. En plus, la pauvre, elle m'a raconté qu'elle s'était fait bouffer par les moustiques. Tu vois, oui, c'était en plein air. C'était en plein air. Ah oui, en plus. En plus, pendant qu'elle jouait. C'est chaud aussi. Ah ben, laisse tomber. En plus, ben, comme qui dit plein air dit on voit l'hélicoptère, tu vois. Donc, quand... Ah oui. Ah oui, donc pendant qu'elle jouait, l'hélicoptère a débarqué. Ils l'ont vu, ils ont commencé à gueuler. Ouais, genre enfin, oh, tu vois, Zorro est arrivé. Oh, c'est horrible. T'imagines ? Non, mais donc, c'est horrible. Ça. Mais c'est une erreur. On peut mettre n'importe quoi, n'importe qui, mais il faut juste prévenir les gens. Dire, mais bah oui, et surtout, voilà, moi, les premières parties que j'ai faites ou que j'ai fait faire, c'est encore mieux quand c'est l'artiste qui annonce, même d'un micro de derrière les coulisses, s'il ne veut pas se montrer, qui annonce et qui adoube, en fait. Oui. Qui dit, voilà. Moi, j'aime. Donc, voilà, en principe, vous devriez aimer, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça qui ça. Déjà prépare un peu le truc. C'est ça. Ben moi, quand j'ai fait les premières parties de Jean-Marie Bigard, c'est la moindre des choses. Fois, voilà, ben oui, il prenait le micro en off, tu vois, genre derrière le rideau, et il annonçait. Voilà. Il dit, mesdames et messieurs, voilà, juste avant mon spectacle, je vais vous présenter quelqu'un, voilà. Et puis hop, après il m'annonçait et j'arrivais sur scène. Et puis franchement, les gens étaient en mode, on te connaît pas. Mais Jean-Marie, on l'aime bien. Ils sont prêts à t'accueillir. Quoi. Voilà, oui. On t'accueille. Allez, oui. on t'écoute. Tu vois, voilà, c'est ça. Tu as le bénéfice du doute, j'allais dire. Enfin, oui, bah, ouais, bah oui, bah, le bénéfice du doute. Genre, oui. Jean-Marie, t'as dit, nous, on ne te connaît pas, donc à la base, on ne t'aime pas. Tu vois. Oui, dans l'expectative, mais si Jean-Marie, voilà. Qu'on aime bien, t'aimes bien, Jean, bon, voilà. C'est ça. C'est ça, les amis, les amis sont mes amis, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, oui. Et donc, ouais, c'est une erreur qui a été commise pendant ton passage et tout, de ne pas prévenir les gens et de ne pas demander à Paul Anka de t'annoncer, ou au moins quelqu'un de l'équipe. Enfin, je sais oui, pas. Voilà, c'est oui, Mateko, sauvé. Et puis prévenir. Moi, franchement, une demi-heure, c'est long, quoi. Une demi-heure, c'est long. Et surtout quand c'est de la musique avec de l'humour en première partie. À la limite, si tu étais musicienne aussi, peut-être que les gens auraient pu dire bon, bah, c'est pas grave, ça nous fait deux concerts. Bah, oui. Mais là, c'est des gens qui ne sont pas partis pour rire. Parce que déjà, l'avantage quand tu vas faire la première partie d'un humoriste, oui. D'un humoriste, c'est qu'au moins les gens viennent pour rire. À la limite, si tu arrives à les séduire, ils étaient déjà en mode rire. Alors que là, ils sont en mode on sort le briquet et on suit le chant, tu vois. C'est vrai que le mélange des genres, c'est jamais évident. Ouais, ouais. C'est sûr. Mais en tout cas, force à toi, vraiment. T'as été courageuse d'aller jusqu'au bout, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Et ce sauvetage du technicien qui est venu te chercher en GIGN. Ouais, c'est ça. Je me suis fait exfiltrer. Exactement. C'est le bon verbe. Tu as subi une exfiltration de la scène de l'Olympia. Oh mon Dieu. Tu vois, c'est la vie d'humoriste. Et je suis sûr que le lendemain, t'as joué quelque part ou quoi, et c'était un triomphe. Oh ben certainement. De toute façon, en général, les lendemains de vide sont toujours très bons. Les lendemains de standing qui sont plus compliqués. c'est non, ça. Mais c'est vrai. C'est en plus. Mais bien sûr, oui, sur le moment, bah, tu cogites, tu te remets en question, mais en plus après, tu te rends compte que ça sert à rien parce que c'est pas du tout. Il n'y avait rien à remettre en question, quoi. C'est pas le tech ni quoi que ce soit. Donc, du coup, après, tu fais le bilan, puis tu te dis, bah non, puis tu repars en 40. Mais effectivement, dès que du coup, tu as au moins un petit rire, bah, du coup, tu es là, yes, c'est bon, quoi. C'est parti. Non, mais c'est vrai, si tu arrives à résister à ce genre de truc, à dire quand même je continue, bah, c'est comme ça que tu apprends. Ah, mais c'est ça. Là, tu étais. À se renforcer, quoi. Ah oui, là. Ah oui, il faut quand même. Hein, il faut se renforcer. Il faut se blinder. Ah oui, quand on commence l'humour, ouais, c'est sûr que là, je pense que le premier beat, c'est celui qui fait le plus mal. Et parce qu'en fait, on, la première fois, enfin, je sais pas toi comment ça s'est passé, mais moi, quand je suis monté la première fois, j'ai pas cartonné, mais ça a marché gentiment. Ouais, ouais. Que c'était, bah, peut-être aussi que c'était le côté, c'est sa première scène et tout, sympa avec lui. Oui, puis même toi, tu vas un peu avec une fraîcheur, tu mets tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Et la fois d'après, moi, j'y suis allé un peu trop confiant. Voilà. Et là, t'avais pris la confiance. Ouais, c'est ça. Quand tu prends la confiance, ça te remet les pieds sur terre. Les lendemains, de toute façon, les lendemains de première aussi sont toujours délicats. Non, il y a plein de petits écueils. Il faut toujours faire reset, faut remettre à zéro, mais c'est pas facile. Exactement. Et c'est se remettre en question, c'est ça. Et la remise en question, elle est permanente dans ce métier. Et c'est ce qui fait que quand tu apprécies, tu vois, genre quand tu vis des choses aussi dures que ça. tu apprécies après le moindre petite victoire devient. Ah ben oui, c'est pour ça que c'est intéressant de bouffer des sales moments quand tu débutes, des plans un peu foireux, tu sais, des foires d'exposition, des machins, des plein air, des trucs comme ça, parce que du coup, après, effectivement, dès que tu es dans du dur, dans un théâtre avec des vraies lumières, etc., c'est vrai que là, du coup, tu te dis, ah ben là, je fais vraiment mon métier. Mais si, en même temps, si tu n'es pas passé par des petits trucs un peu bien galères, tu peux pas l'apprécier, quoi. Absolument, absolument. Ce sont les galères, en fait, qui font qu'on apprécie les bons moments. Parce que s'il n'y avait que des bons moments, je pense qu'au final, on se lasserait, quoi. Ah, peut-être, je ne sais pas. Bah, tu sais, si tous les soirs, tu arrives, tous les soirs, les gens te portent. Oui, s'il n'y a pas d'enjeu, du coup, oui. Il n'y a que dalle. Si tu es sûr de. Bah oui, ah, c'est pas rigolo. Ouais, mais ça n'existe pas, ça. Ben, je pense que ça existe, en fait, dans le cas où. C'est une superstar de l'humour qui ne fait que des zéniths et qui fait rien d'autre. Non, même ça. Non, t'es jamais à l'abri. Parce que après, t'as des nuances dans les succès. Tu vois bien si c'est un soir un peu plus moyen quand même, où les gens ils ont ri justement parce que ils t'aiment bien de base, ou si vraiment les gens ils t'aiment parce que vraiment ce soir-là t'as été bon. Ça s'entend aussi. Ok, parce que j'aurais pensé la taille de la salle, rien n'est jamais acquis. Ah non, et puis alors, je te dis, une grande salle où il y a des froids, ça se sent encore plus que dans une petite salle. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est plus terrible, parce que tu dis, je me vote devant 3000 ou 4000 personnes, alors que tu voterais devant 20, bon, c'est pas très grave. Finalement. Oui, mais alors la différence, moi, ce que je vois en fait dans les grandes salles comme ça, c'est que sur les 3000 ou 4000, si tu en fais rire ne serait-ce que 500, ça peut couvrir. Mais 500 répartis dans un immense endroit, c'est atroce. 500 qui ricanent vaguement, alors que puis évidemment, toi, tu vois forcément ceux qui rigolent pas, hein, de là où t'es. Et oui. Forcément, mais s'il y en a qu'un, tu le vois. Donc, non, c'est pas si confortable que ça non plus. Hein, non. Dans ce métier-là, rien n'est jamais acquis. Hein. Ah, mais c'est sûr. Après, bien évidemment, ce n'était pas du tout mon objectif de faire que des zéniths et de tomber dans la routine et tout. Mais moi, je pensais. Le confort. Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Je suis pieds nus pour l'instant. Ça va. Non, mais je te disais ça en fait par rapport à Gad Elmaleh qui, lui, justement, est passé du confort des zéniths à des petites salles. Tu sais, pour aller tester des morceaux, il partait dans des comedy clubs à Paris. Incognito. Oui, il s'embêtait. D'après ce qu'il m'avait dit une fois, il s'embêtait un peu sur scène. Voilà, c'est ça. Après, ça veut dire que du coup, il faisait pas plus exactement ce qu'il voulait. Après, ça peut être plein de choses, quoi. Voilà, c'est plus compliqué à analyser. L'avantage, de l'humour, c'est que c'est jamais, comme tu l'as dit, c'est jamais acquis. Et puis, les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas, quoi. Ah, mais jamais, jamais, jamais. C'est ça qui est. Ben, comme le public n'est jamais le même et toi, t'es jamais le même. C'est vrai. C'est vrai. La performance est toujours différente. Ça, absolument. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle anecdote. Ah, bah merci à toi, écoute, Sofiane. Ça fait plaisir de pouvoir parler de métier. Ça fait longtemps. Et bien, tout le plaisir était pour les auditeurs et pour moi. Et donc, on va te retrouver avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur mon Facebook, ma chaîne YouTube, mon site. J'essaye de poster régulièrement des petites vidéos. Là, j'ai une série de Beach en terrasse. Qui est un peu le sport universel. Dès que les terrasses sont rouvertes, on y retourne pour éventuellement dire du mal des gens qui passent. Donc, c'est un peu le principe du truc. Et voilà, ça me permet de maintenir le lien en attendant la reprise qui sera en septembre en province. D'accord, super. Parfait. De toute façon, l'épisode sortira normalement fin décembre. Donc, les gens auront déjà pu retrouver tes dates et tout. Ils suivront. Okay. Ouais. Ils suivront tes dates de tournée, donc voilà, il n'y a pas de souci. Toutes les dates sont sur le site et sur mon Facebook. Quoi. Ouais. D'accord, ok. Et tu as Twitter également? Non, je n'ai pas Twitter. D'accord. Eh bien, écoute, c'est pas plus mal. Twitter, c'est un monde très spécial. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dessus. Moi, le premier, moi, j'appelle ça le Mordor. Tu sais, c'est vraiment… c'est une horreur, je te jure. Il y a vraiment, je suis sûr qu'il y a du bon, mais pour l'instant, je l'ai pas encore vu. Donc voilà, je demande. De toute façon, il y a pas grand-chose de bon ni sur Facebook ni sur Insta ni nulle part. Ah, moi, j'arrive pas à trouver du bon. Moi, ça me convient pas. Mais par contre, c'est mes super outils. Oui, mais c'est du super outils de com. Ouais. Par contre, déjà, ils sont indispensables. J'ai l'impression que les gens sont plus bienveillants en fait, tu vois, sur Facebook, Insta et tout. Ah bon, dis donc, oui. Ah, ils sont plus bienveillants. Alors, attention, si tu trouves que Facebook et Insta, ils sont pas bienveillants, jamais sur Twitter. Ils sont quand même très cons, tous. Ah, bah, il y en a, écoute. Hein, ils sont bêtes. Non, mais il y a du vide. Enfin, pour moi, c'est que du vide, mais voilà. Mais je t'assure qu'il y a… Heureusement, moi, j'en ai des biens dans mon public. Voilà, ah, bah ils oui, sont, ils sont quand même plutôt sympas. Et puis, voilà, c'est le seul moyen pour moi, là, de garder le lien, quoi. Mais c'est super. Là, l'avantage d'avoir vraiment travaillé toutes ces années et tout, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que tu es sur les réseaux sociaux, les gens te suivent, c'est des gens qui t'aiment déjà de base. Alors que quand tu te bats pour faire ta place un petit peu, c'est compliqué, tu es obligé de construire petit à petit et puis prendre des... Enfin, voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, pas de soucis. C'est du taf, hein. C'est beaucoup de taf, mais c'est du plaisir aussi. Parce que je pense qu'il n'y a rien qui fait plus mal au monde qu'un bide ou une première partie de Polanka à l'Olympia. Et il y a rien qui fait plus de bien qu'un spectacle qui cartonne, tu vois, les gens qui te portent et tout, c'est génial. Ah bah oui, après ça c'est des super kiffs. Hein. Ah ça grave. Un truc. Oui oui, il y a de l'adrénaline, il y a plein de machins dans le corps qui se passent, c'est quand même génial. Hein. Et c'est clair. Eh bien, en tout cas, on te suivra pour te procurer cette adrénaline, justement. On te suivra sur les réseaux sociaux. Je mettrai les liens donc vers Facebook, oui. Instagram, YouTube et ton site officiel. Et d'accord. Merci encore. Ben, mille fois merci à toi. Écoute, continue comme ça, continue bien. Merci beaucoup. Et puis, ben, merde pour tout, pour ton spectacle. Pour, eh bien, je prends et je te souhaite tout autant de bonnes choses. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.